la brigade, les gars, toujours les mêmes choses, les choses qu'on ne renie pas, et tellement de choses à dire. Non, faut leur dire ce qu'on pense. Mes dents grincent comme les portes d'un domaine. Quand je vois qu'on se domine les uns les autres, ça me troue l'abdomen. Je rumine toujours les mêmes propos. J'ai de cesse, je ressasse. C'est toujours le même topo systématique. Les mêmes phrases idiomatiques qui fixent les zygomatiques tournent autour de la même thématique. Depuis le temps que j'ai commencé, depuis le temps que j'ai commencé, combien d'histoires j'ai romancé. Et voilà, y'a rien qui évolue. Va savoir si entre nous c'est vraiment le bien qui est voulu. Constate. Y'a que de la haine qu'on génère. On prend un malin plaisir à se détruire entre congénères. Bref, voir que tout foire ça fout le cafard. Même au kafir. Mais je suis pas de ceux qui pensent qu'il y a rien à faire. Je vais pas dire que je suis pas déçu, non. Mais faut pas me dire qu'il y a pas d'issue et que la solution viendra pas d'ici. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout le monde le ressent, mais ça n'empêchera pas l'homme de faire couler le sang. Accepter les leçons, des bâtards comme ça, laisse tomber. J'accepte celle-ci est censée ou sans s'achever le sourd, l'homme d'état a les mains plus sales qu'un. Dis-leur de craquer le fumeur en plus, mais ça rate au tapin. Comment tu veux que j'ai confiance? Comment tu veux que j'avance? Dans des corps, combien ont perdu le bon sens? Je dis ça, en vérité, je flippe ma race. Te rends compte, je passe pas 15 jours tranquille sans que les flics m'agressent. Le petit carré, faut pas qu'il vive ça. Faut qu'il kiffe sa vie tranquille, c'est pour lui qu'au ciel je prie ça. À se demander mais où on est, où je suis, mais où qu'on soit, je conçois rien n'est perdu si plus fou on est. À se battre pour la même chose, la même cause, pas à qui soit, mais c'est celle qui fait que tant de blême se pose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dehors comme en prison, l'argent nous pousse à nous haïr et c'est nous que nous méprisons. Le désespoir est entre jeunes, se tape et se tire dessus. S'embrouille entre quartiers pour des visas, même pas dessous. Ouais, un jeune sur 10 cités pour s'évader de la cité. On vend des produits licités, peut fuir la mendicité. Ouais. Beaucoup finissent en prison, les plus malchanceux dans un seul. Un seul sur 100 y échappe, mais peut-il battre le malin seul? En fait, l'union fait la force, pourtant trop de jeunes s'entêtent. Ouais. Avant de leur âme au diable dès l'instant où ils s'endettent. La crainte d'un avenir compromis trouble jusqu'à leur sommeil. Et c'est pour eux qu'il faut que la gâte brille comme le soleil. Qu'elle éclaire l'esprit des jeunes perdus dans des blocs de ciment gris. Car le savoir est une arme, c'est ce que du haut décime on crie. Aux jeunes maintenus à l'ombre des cités ou entre quatre murs. S'il tombe que la foi les protège telle une armure. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te dise?